Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici le journal, la grande édition de cette journée du 29 octobre 2021, les grands titres. L'administrateur de la commune Nyamurenza en province Ngozi vient d'être condamné à une année de prison avec sursis de 6 mois ainsi que de 2 millions de francs burundais de dommages et intérêts à la famille de feu Claver Sindaigaya. La cour d'appel de Ngozi l'a reconnu coupable de non-assistance à personne en danger. Compte rendu d'audience avec notre correspondant là-bas. Et les litiges fonciers concernant les parcelles qui entourent le stade Inwari de Bujumbura doivent préalablement être réglés pour que cette infrastructure sportive soit réhabilitée, d'après le président de la Fédération de football du Burundi ce vendredi dans un point de presse. Et dans ce journal, on ira également à la rencontre d'une femme peintre en commune et province Kayanza. Ses clients apprécient ses services. Dans ce journal également, on revient sur le conseil des ministres cette semaine qui a décidé de retirer le permis d'exploitation minière de Musongati octroyé à la société BBM International. Voilà pour le sommaire. Bonjour. Les plafonds d'engagement des dépenses du deuxième trimestre 2021-2022 figurent parmi les dossiers analysés lors du Conseil des ministres tenu mercredi. Le secrétaire général de l'État a indiqué que ces plafonds sont soumis à des règlements et se font en fonction des encaissements de l'État. Il a été convenu que les engagements du premier et du deuxième trimestre combinés ne dépassent pas 50% du budget annuel prévu. Suivez Prosper Nahorgwami. Soumis à des règlements prescrits dans certains textes, notamment le décret sur la gouvernance budgétaire, le décret portant règlement général de gestion des budgets publics. Ils se conforment aussi à la loi portant fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2021-2022, qui introduit en son article 50 l'élaboration des plafonds d'engagement trimestriels des dépenses qui doivent être validés par le Conseil des ministres. Ces engagements se font en fonction des encaissements. Ces plafonds d'engagement, qui sont conformes au plan de trésorerie de l'État, concernent toutes les dépenses de l'État, sauf celles qui ont un caractère obligatoire et incompressible, comme les dépenses de salaire et de la dette. Ainsi, au cours de la gestion budgétaire 2021-2022, le rythme des engagements sera fonction du rythme d'encaissement des recettes. Après échange et débat, ces plafonds d'engagement ont été adoptés avec comme recommandation de veiller à ce que les engagements du premier et du deuxième trimestre combinés ne dépassent pas 50% du budget annuel prévu. Pour les engagements en rapport avec les biens d'équipement, les ministères et institutions en retard dans le premier trimestre peuvent engager jusqu'à 50% du budget prévu. Accélérer la préparation de la stratégie globale de collecte des finances publiques. Procéder à la commercialisation du maïs en stock pour éviter sa détérioration et réanalyser la mesure suspendant son importation pour favoriser l'entrée des recettes dans le trésor public. Maîtriser les recettes perçues par les institutions autonomes sous tutelle des ministères pour qu'elles soient comptabilisées parmi les recettes de l'État. Éviter des intermédiaires dans l'achat des équipements de l'État parce qu'ils font gonfler les coûts. Au cours de ce Conseil des ministres, il a été décidé de retirer le permis d'exploitation minière de Musongati octroyé à la société BMM International suite au non-respect des engagements. Cette société doit également restituer à l'État burundais ce qu'il a emporté à l'étranger comme échantillon. Encore une fois, Prosper Nahorgwami est secrétaire général de l'État et porte-parole. En mai 2014, une convention d'exploitation minière sur le gisement du nickel de Musongati a été signée entre la société BMM International et le gouvernement du Burundi. Le permis d'exploitation a été octroyé par décret en juin 2014 et le lancement officiel des activités d'exploitation et de traitement du nickel et minerais associés du gisement de Musongati a été fait en octobre 2014. Malgré plusieurs appels à BMM à respecter ses engagements et commencer les travaux proprement dits, aucune suite n'y a été réservée par cette société. En plus du retard injustifié dans le démarrage ou le déroulement des travaux, cette société a refusé de communiquer les renseignements techniques exigés en vertu du code minier et de la convention qu'elle a signée. C'est la raison pour laquelle ce projet propose la révocation du permis d'exploitation qui a été donné à cette société. Après échange et débat, Le projet a été adopté avec la recommandation d'élaborer un avis juridique qui montre les tenants et les aboutissants de ce dossier. Il a été également recommandé d'exiger de cette société de restituer à l'État burundais ce qu'il a emporté comme échantillon. Prosper Ntahorwamiye, il est secrétaire général de l'État et porte-parole. L'organisation Parsem se dit préoccupée par la corruption qui s'observe dans différents secteurs du pays. Faustin Dikoumana, directeur exécutif de cette organisation, a dans une conférence de presse ce vendredi dit qu'il y a des manquements dans le suivi des dossiers pour lutter contre la corruption. Il lance un appel au chef de l'État pour qu'il mette en place de fortes institutions de lutte contre la corruption. Suivez-le. Le nouveau gouvernement a lancé une campagne de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Nous avons été satisfaits du lancement de cette campagne, de cette politique. Mais si on voit comment le processus de lutte contre la corruption maintenant est mené, on voit qu'il y a vraiment un hic. Il y a vraiment, on risque même de recul. Il y a certains dossiers qui ont éclaté. Il y a un dossier au niveau des finances, le ministère des Finances. Il y a le limogeage du mythe de la ministre du Commerce. Il y a le traco. Il y a le barrage Kajek. Il y a Guiheta, une entreprise qui n'avait pas pu. Vraiment, il y a une attitude d'addiction, donc il ne va plus vraiment fournir ses services au bon moment. Il y a le barrage de mandat très récemment. Et la déclaration des biens qui reste toujours en veilleuse. On se dit, alors, ces dossiers, comment ça va finir? Éclairer la situation pour établir les responsabilités, pour prendre des sanctions. Il n'y a même pas de commission parlementaire qui puisse commencer à faire des investigations. Nous n'avons plus même une brigade spéciale. Là où le bable, c'est qu'on constate que dans les cas où même, c'était, je dirais, un cas de flagrance. Après, on voit une promotion par surprise. Est-ce qu'on peut vraiment lutter contre la corruption? Avec cette lancée, nous risquons de reculer. On soit en vibrant après le gouvernement de rectifier le tir dans ce combat. Il faut des institutions indépendantes qui éclairent, qui établissent des responsabilités et qui agissent avec professionnalisme. De tels dossiers ne peuvent pas être gérés dans la simple hiérarchie de l'exécutif. Il faut que vraiment les institutions fassent le travail pour juguler telle situation. Faustin Dikoumana, c'est le directeur exécutif de l'organisation Parsem. Et l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi poursuivra ses activités en cours de collecte des données, dont les enquêtes sur le secteur de l'extraction des mines et carrières et l'étude de l'impact de la pandémie du Covid-19 sur les activités des entreprises. Lors du lancement officiel du 10e mois de la statistique au Burundi ce vendredi, Nicolas Ndayishimiye, directeur général de l'ISTEBU, a interpellé les Burundais à s'informer davantage sur les statistiques liées à leur développement. On l'écoute. Il a son 10e mois de la statistique au Burundi. L'ISTEBU est le service statistique ministériel où des organismes parapubliques poursuivront globalement la collecte des données administratives des domaines de leurs compétences respectives. De façon spécifique, l'ISTEBU poursuivra les activités en cours de collecte des données pour la production de l'indice national des prix à la consommation, de l'indice des prix à la production agricole, de l'indice du coût de la construction au Burundi, de l'indice du chiffre d'affaires au Burundi, de l'indice harmonisé pour la production industrielle, de l'indice du commerce extérieur au Burundi, de l'enquête sur le secteur de l'extraction des mines et carrières, de l'étude de l'impact de la pandémie du Covid-19 sur les activités des entreprises et les conditions de vie des ménages au Burundi de 2021, pour ne citer que cela. Décideurs, partenaires techniques et financiers, chercheurs, toute autre personne intéressée, voici l'occasion en or qui vous est offerte pour vous imprégner des avancées statistiques au Burundi. Ensemble, unissons-nous et marchons avec des statistiques fiables en vue de moderniser la collecte des données du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage au Burundi de 2022 afin de soutenir son développement socio-culturel. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. 13h06 à Bujumbura et sur Isanganiro. Condamnation de l'administrateur de la commune Nyamurenza à une année de prison avec sursis de 6 mois ainsi que de 2 millions de francs burundais de dommages et intérêts à la famille de feu Claver Sinda Igaya. Et sur le mandat d'arrêt émis par le procureur, Cesari Nizigimana a été accusé d'assassinat de ce vieil homme sorti de la prison par l'administrateur puis tué par la population le soupçonnant de sorcellerie. La cour d'appel d'Ngozi a requalifié l'infraction et a retenu la non-assistance à personne en danger. Et parmi d'autres co-accusés, il y en a qui sont condamnés à différentes peines, dont la perpétuité. Compte rendu d'audience, Apollinaire Monzagara. À son arrestation, l'administrateur Césarine Nzigima Anna est accusé d'assassinat dans un jeu de 76 ans de la commune Mushonge en commune Nyamurenzi. Les informations en provenance de cette commune indiquent que ce Ndaigaya aurait été sorti par cette autorité communale du cachot dans lequel il était incarcéré, puis laissé à l'endroit appelé communément Kudiakigari, où il a été assassiné et même enterré le même jour à l'absence de sa famille. Il était accusé de sorcellerie. Quelques jours après, un mandat d'arrêt est émis par le procureur sur lequel l'administrateur Césari est accusé d'assassinat. Lundi, cette autorité et ses co-accusés ont comparu à la cour d'appel d'Ngozi dans une audience à huis. Le jugement a été prononcé publiquement ce jeudi. L'administrateur de Nyamurenza a été condamné à une année de prison avec sursis de 6 mois et un dédommagement de 2 millions de francs à la famille du disparu. Les chefs des collines et zones impliqués dans ce dossier ont aussi été condamnés à un emprisonnement avec sursis, mais toujours avec le même montant de dommages et intérêts pour chacun, y compris d'autres condamnés à perpétuité et accusés d'assassinat de Sauge, d'Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Sanganyiro. Merci Apollinaire Muzagara. Vous aurez compris que l'audience était à huis clos. Des femmes de la province Kayanza commencent à embrasser les métiers jadis réservés aux hommes comme la peinture. Charlotte Nyandui est l'une de ces femmes. Elle peint des vélos et autres objets métalliques au marché central de la commune Kayanza. Il précise que ce métier l'aide à subvenir à ses besoins familiaux. Lydie Gahimbare l'a rencontré. Cette peintre dit qu'elle a appris ce métier à cause des conditions de vie dans lesquelles elle était. Au début, nous avions d'autres préoccupations avec mon mari. Mais après, nous avons connu des pertes. C'est là où l'idée est venue et nous sommes lancés dans la peinture. Après cela, cette femme a bénéficié d'une formation technique de l'art de peindre. J'ai été certifiée après la formation technique de l'art de peinture. Vous voyez, je viens de peindre ces criages. Nyandu Charlotte apprécie son travail. Elle admet qu'elle parvient à subvenir à ses besoins. Minani Casimir est un des bénéficiaires de services rendus par cette femme. Apprécie un des hommes qui exercent leurs activités au marché de Kayanza. Apprécie également le travail de cette femme qu'elle a incité. Cette femme vraiment en est capable. Elle peint des portails, des vélos, elle peint tous les objets en général. Nous sommes fiers d'elle car elle a incité les gens à s'intéresser de cet endroit. Ceux qui pratiquent cet art de peindre à cet endroit appellent d'autres femmes de prendre leur modèle sur cette femme. C'était un reportage de Lydie Gahimbare. Le gouvernement burundais va suivre de près la mise en application de la loi sur l'utilisation et la protection des emblèmes de la Croix-Rouge. C'est une promesse faite ce vendredi par le directeur général des ONG internationales au ministère des Affaires étrangères lors d'une réunion de la Croix-Rouge Burundi et ses partenaires. Le président de cette organisation a déclaré qu'ils attendent impatiemment cette loi. Arthur Kavabushi. Pamphile Kanabaze, président de la Croix-Rouge Burundi, a indiqué que cette réunion avec les partenaires vise à mettre sur pied un programme de 5 ans de 2022 à 2026. Cette année coïncide avec la fin de la période de planification stratégique 2018-2021. Nous avons eu donc l'occasion et nous aurons à le présenter au cours de ces assises, de nous auto-évaluer sur le pas franchi, les réalisations, les résultats de la mise en œuvre du plan stratégique que nous clôturons à la fin de cette année, mais aussi nos équipes techniques, avec l'appui des partenaires, ont élaboré sur cette base un nouveau plan stratégique, un plan quinquennal qui couvrira la période 2022-2026. Avec le recul, nous passons des plans stratégiques quadriennaux aux plans stratégiques quinquennaux. Le directeur général en charge des ONG internationales au ministère de la coopération étrangère, Isaïe Kubgayo, a dit que l'État burundais va mettre sur pied une loi protégeant l'emblème de la Croix-Rouge. Nous sommes conscients que la Croix-Rouge compte sur ses volontaires identifiés et protégés par l'emblème Croix-Rouge pendant leurs actions. En ce qui concerne le gouvernement du Burundi réaffirme son engagement à continuer à soutenir les actions de la Croix-Rouge du Burundi et à promulguer une loi portant réglementation et utilisation de l'emblème Croix-Rouge. Le président de la Croix-Rouge Burundi lui dit qu'ils attendent cette loi depuis longtemps. C'est une question qui est revenue souvent dans notre dialogue avec le gouvernement. Nous et notre partenaire saluent avec la plus grande satisfaction l'intention du gouvernement de finalement promulguer cette loi. Cet emblème, ce n'est pas une question symbolique, c'est une question de protection pour nos volontaires, pour le staff de la Croix-Rouge et tous les intervenants humanitaires. Cette réunion avec les partenaires de la Croix-Rouge Burundi est organisée chaque 4 ans. Merci Arthur Kavabushi. Augmentation du taux de cheptel bovin en province Kayanza ces 5 dernières années jusqu'à un taux de 150% via le programme de développement des filières dans sa phase 2. Le cheptel porcin a également atteint 450% au cours de cette même période. Propos de David Sabimana, coordinateur des projets du gouvernement burundais appuyé par le fonds FIDA, Antenne Nord. C'était ce jeudi au chef-lieu de la province Kayanza, à l'occasion de la séance d'évaluation avec toutes les parties prenantes des réalisations de ce programme et des stratégies à mettre en œuvre pour pérenniser les acquis et les actions chez la population bénéficiaire. Patrick Saint-Guillaume. Selon le rapport des réalisations via le programme de développement des filières en province Kayanza, les vaches ont passé de 991 à 2372 depuis mars 2016 jusqu'à la fin de juin 2021. Cette augmentation des bovins à Kayanza a également engendré l'augmentation de la production du lait jusqu'à plus de 2 300 000 litres selon toujours le même rapport. Certains des élèves à Kayanza qui étaient conviés à cette séance d'analyse et d'évaluation des réalisations du Prodéfi au cours de cette période de 5 ans ont fait savoir que les actions du programme lait ont été beaucoup bénéfiques pour l'autodéveloppement de leur ménage. Toutefois, ils déplorent le fait que les acheteurs du lait à différents centres de collecte du lait ne respectaient pas le délai de 2 semaines fixé pour payer les éleveurs. D'autres s'inscrivent en faux contre certains membres des comités coordonnés chargés du suivi du bétail distribué par le Prodéfi qui demandent de la corruption aux éleveurs à la recherche de l'autorisation de vendre l'une de leurs vaches conformément à la loi. Tous ces défis auxquels font face ces éleveurs, David Sabimana, le coordinateur du projet du gouvernement appuyé par le FIDA, tranquillise et promettant d'y trouver solution dans un proche avenir. Dans cette même période de 5 ans, les porcs ont également augmenté passant de 640 à 3362. Le rapport des réalisations via le Prodéfi ces 5 dernières années montre que la production agricole a également augmenté. David Sabimana, coordinateur du projet, donne l'exemple du maïs hybride qui a passé de 2 à 6 tonnes par hectare, le riz de 2 à 5 tonnes par hectare et la patate douce de 9 à 15 tonnes par hectare. Et son coordinateur Evianne Ndikuma, chef du cabinet du gouverneur à Kayanza, tous demandent aux administrations communales et aux bénéficiaires des actions et des acquis du Prodéfi de s'en approprier pour leur pérennisation. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. Les litiges fonciers concernant les parcelles qui entourent le stade Inouari de Bujumbura doivent préalablement être réglés pour que cette infrastructure sportive soit réhabilitée dans le sens de son extension afin de remplir les normes lui permettant d'abriter des matchs internationaux. C'est ce qu'a déclaré Réverien Dikuriyo, président de la Fédération de football du Burundi, dans un point de presse animé ce vendredi. Il a également annoncé que le 4 novembre prochain est la date limite de dépôt des dossiers de candidature pour le poste du président de la FFB. Les détails avec Étienne Manirakiza. Lors de ce point de presse, Réverien Dikuriyo, président de la Fédération de football du Burundi, apprécie le déroulement des élections au sein des associations communales et provinciales, indiquant que l'année en cours est élective. Dressant le bilan, il est revenu sur la mise sur pied des responsables dans toutes les associations et à tous les échelons aux élections qui vont suivre au niveau de la Fédération. Il annonce également que le dépôt des candidatures est en cours et va clôturer le 4 novembre de l'année en cours. À propos de la réhabilitation du stade noir, le président de la FFB indique qu'entre autres défis figure la question relative aux parcelles qui se trouvent aux alentours de ce stade. Au cours de son point de presse, Réverien Dikuriyo a fait savoir que l'équipe nationale des joueurs évoluant à l'étranger affrontera l'équipe gambienne au mois de novembre si rien ne change en match amical qui aura lieu en Turquie. En bref, dans le reste de l'actualité nationale et internationale, certains habitants de la province Cibitoke, surtout les adeptes de l'église adventiste du 7e jour, disent remarquer une énorme perte depuis que l'organisation Adventist Development and Relief Agency, ADRA, sous la tutelle de cette église, a suspendu ses activités il y a de cela plus de 2 ans en raison de la crise structurelle qui régnait au sein de cette église. Au moment où ceux qui se sont exprimés estiment que ce problème de leadership que connaissait l'église adventiste du 7e jour semble avoir déjà trouvé solution, ils demandent la reprise cesse de ses activités. Et en international, le pape François a appelé ce vendredi les dirigeants mondiaux qui se réuniront à la COP26, le sommet pour le climat de l'ONU, qui débutera dimanche à Glasgow, d'apporter d'urgence des réponses efficaces à la crise écologique actuelle et à offrir ainsi un espoir concret aux générations futures. Lors d'une allocution diffusée sur la BBC, le souverain pontife a mis en garde contre une menace sans précédent du changement climatique et la dégradation de notre maison commune. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Innocent pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco, Ndouimana, passez un très bon après-midi.